Le lundi, je m'endigne. Le mardi, je m'endigne. Et le mercredi, et le jeudi, le vendredi, le samedi. Mais quand c'est que c'est dimanche, je paye un croissant au chien. Le chien, lui, il s'en fout, ça ou du pain. Mais le bourgeois qui passe sur le trottoir d'en face, ça le fout en pétard, c'est rigolard. Et j'en jouis toute la nuit jusqu'au lundi. Et lundi, je m'en dis bof.